Honoré de Balzac. Honorine. À Monsieur Achille de Veria, comme un affectueux souvenir de l'auteur. De Balzac. Si les Français ont autant de répugnance que les Anglais ont de propension pour les voyages, peut-être les Français et les Anglais ont-ils raison de part et d'autre. On trouve partout quelque chose de meilleur que l'Angleterre, tandis qu'il est excessivement difficile de retrouver loin de la France les charmes de la France. Les autres pays offrent d'admirables paysages. Ils présentent souvent un confort supérieur à celui de la France, qui fait les plus lents progrès en ce genre. Ils déploient quelquefois une magnificence, une grandeur, un luxe étourdissant. Ils ne manquent ni de grâce, ni de façon noble. Mais la vie de tête, l'activité d'idées, le talent de conversation, et cet atticisme si familier à Paris. Mais cette soudaine entente de ce qu'on pense et de ce qu'on ne dit pas, ce génie du sous-entendu, la moitié de la langue française, ne se rencontre nulle part. Aussi, le français, dont la raillerie est déjà si peu comprise, se dessèche-t-il bientôt à l'étranger, comme un arbre déplanté. L'émigration est un contresens chez la nation française. Beaucoup de Français, de ceux dont il est ici question, avouent avoir revu les douaniers du pays natal avec plaisir, ce qui peut sembler l'hyperbole la plus osée du patriotisme. Ce petit préambule a pour but de rappeler à ceux des Français qui ont voyagé le plaisir excessif qu'ils ont éprouvé quand, parfois, ils ont retrouvé toute la patrie, une oasis dans le salon de quelques diplomates. Plaisir que comprendront difficilement ceux qui n'ont jamais quitté l'asphalte du boulevard des Italiens, et pour qui la ligne des quais, rive gauche, n'est déjà plus Paris. Retrouver Paris. Savez-vous ce que c'est, ô Parisiens ? C'est retrouver, non pas la cuisine du rocher de Cancale, comme Borel la soigne pour les gourmets qui savent l'apprécier, car elle ne se fait que rue Montorgueil, mais un service qui la rappelle. C'est retrouver les vins de France qui sont à l'état mythologique hors de France et rares comme la femme dont il sera question ici. C'est retrouver non pas la plaisanterie à la mode, car de Paris à la frontière elle s'évente, mais ce milieu spirituel, compréhensif, critique, où vivent les Français, depuis le poète jusqu'à l'ouvrier, depuis la duchesse jusqu'au gamin. En 1836, pendant le séjour de la cour de Sardaigne à Gênes, deux Parisiens, plus ou moins célèbres, purent encore se croire à Paris, en se trouvant dans un palais loué par le consul général de France sur la colline, dernier pli que fait l'Apennin entre la porte Saint-Thomas et cette fameuse lanterne qui, dans les keepsakes, orne toutes les vues de Gênes. Ce palais est une de ces fameuses villas où les nobles génois ont dépensé des millions au temps de la puissance de cette république aristocratique. Si la demi-nuit est belle quelque part, c'est assurément à Gênes, quand il a plu, comme il y pleut, à torrents pendant toute la matinée, quand la pureté de la mer lutte avec la pureté du ciel, quand le silence règne sur le quai et dans les bosquets de cette villa, dans ces marbres à bouche béante d'où l'eau coule avec mystère, quand les étoiles brillent, quand les flots de la Méditerranée se suivent comme les aveux d'une femme à qui vous les arrachez parole à parole. Avouons-le, cet instant où l'air embaumé parfume les poumons et les rêveries, où la volupté, visible et mobile comme l'atmosphère, vous saisit sur vos fauteuils, alors qu'une cuillère à la main vous effilez des glaces ou des sorbets, une ville à vos pieds, de belles femmes devant vous. Ces heures, à la Boccace, ne se trouvent qu'en Italie et au bord de la Méditerranée. Supposez, autour de la table, le marquis Di Negro, ce frère hospitalier de tous les talents qui voyage, et le marquis Damaso Pareto, deux Français déguisés en génois, un consul général entouré d'une femme belle comme une madone et de deux enfants silencieux parce que le sommeil les a saisis, l'ambassadeur de France et sa femme, un premier secrétaire d'ambassade qui se croit éteint et malicieux, enfin deux Parisiens qui viennent prendre congé de la consulesse dans un dîner splendide. Vous aurez le tableau que présentait la terrasse de la villa vers la mi-mai, tableau dominé par un personnage, par une femme célèbre, sur laquelle les regards se concentrent par moments, et l'héroïne de cette fête improvisée. L'un des deux Français était le fameux paysagiste Léon de Lora, l'autre un célèbre critique, Claude Vignon. Tous deux, ils accompagnaient cette femme, une des illustrations actuelles du beau sexe, Mademoiselle des Touches, connue sous le nom de Camille Maupin dans le monde littéraire. Mademoiselle des Touches était allée à Florence pour affaires. Par une de ces charmantes complaisances qu'elle prodigue, elle avait emmené Léon de Lora pour lui montrer l'Italie et avait poussé jusqu'à Rome pour lui montrer la campagne de Rome. Venue par le Simplon, elle revenait par le chemin de la Corniche à Marseille. Toujours à cause du paysagiste, elle s'était arrêtée à Gênes. Naturellement, le consul général avait voulu faire, avant l'arrivée de la cour, les honneurs de Gênes à une personne que sa fortune, son nom et sa position recommandent autant que son talent. Camille Maupin, qui connaissait Gênes jusque dans ses dernières chapelles, laissa son paysagiste aux soins du diplomate, à ceux des deux marquis génois, et fut avare de ses instants. Quoique l'ambassadeur fût un écrivain très distingué, la femme célèbre refusa de se prêter à ses gracieusetés, en craignant ce que les Anglais appellent une exhibition. Mais elle rentra les griffes de ses refus dès qu'il fut question d'une journée d'adieu à la villa du consul. Léon de Lora dit à Camille que sa présence à la villa était la seule manière qu'il eut de remercier l'ambassadeur et sa femme, les deux marquis génois, le consul et la consulesse. Mademoiselle des Touches fit alors le sacrifice d'une de ces journées de liberté complète qui ne se rencontrent pas toujours à Paris pour ceux sur qui le monde a les yeux. Maintenant, une fois la réunion expliquée, il est facile de concevoir que l'étiquette en avait été bannie, ainsi que beaucoup de femmes et des plus élevées, curieuses de savoir si la virilité du talent de Camille Maupin nuisait aux grâces de la jolie femme, et si, en un mot, le haut de chausses dépassait la jupe. Depuis le dîner jusqu'à 9 heures, moment où la collation fut servie, et si la conversation avait été rieuse et grave tour à tour, sans cesse égayée par les traits de Léon de Lora, qui passe pour l'homme le plus malicieux du Paris actuel, par un bon goût qui ne surprendra pas d'après le choix des convives, il avait été peu question de littérature. Mais enfin, le papillonnement de ce tournoi français devait y arriver, ne fût-ce que pour effleurer ce sujet essentiellement national. Mais avant d'arriver au tournant de conversation qui fit prendre la parole au consul général, il n'est pas inutile de dire un mot sur sa famille et sur lui. Ce diplomate, homme d'environ 34 ans, marié depuis 6 ans, était le portrait vivant de Lord Byron. La célébrité de cette physionomie dispense de peindre celle du consul. On peut cependant faire observer qu'il n'y avait aucune affectation dans son air rêveur. Lord Byron était poète et le diplomate était poétique. Les femmes savent reconnaître cette différence, qui explique, sans les justifier, quelques-uns de leurs attachements. Cette beauté, mise en relief par un charmant caractère, par les habitudes d'une vie solitaire et travailleuse, avait séduit une héritière génoise. Une héritière génoise! Cette expression pourra faire sourire à Gênes, où, par suite de l'exhérédation des filles, une femme est rarement riche. Mais Onorina Pedrotti, l'unique enfant d'un banquier sans héritier mâle, est une exception. Malgré toutes les flatteries que comporte une passion inspirée, le consul général ne parut pas vouloir se marier. Néanmoins, après 2 ans d'habitation, après quelques démarches de l'ambassadeur pendant les séjours de la cour à Gênes, le mariage fut conclu. Le jeune homme rétracta ses premiers refus, moins à cause de la touchante affection d'Onorina Pedrotti qu'à cause d'un événement inconnu, d'une de ces crises de la vie intime si promptement ensevelies sous les courants journaliers des intérêts que plus tard les actions les plus naturelles semblent inexplicables. Cet enveloppement des causes affecte aussi très souvent les événements les plus sérieux de l'histoire. Telle fut du moins l'opinion de la ville de Gênes, où, pour quelques femmes, l'excessive retenue, la mélancolie du consul français ne s'expliquait que par le mot « passion ». Remarquons en passant que les femmes ne se plaignent jamais d'être les victimes d'une préférence. Elles s'immolent très bien à la cause commune. Onorina Pedrotti, qui peut-être aurait haï le consul si elle eût été dédaignée absolument, n'en aimait pas moins, et peut-être plus, suo sposo, en le sachant amoureux. Les femmes admettent la préséance dans les affaires de cœur. Tout est sauvé dès qu'il s'agit du sexe. Un homme n'est jamais diplomate impunément. Le sposo fut discret comme la tombe, et si discret que les négociants de Gênes voulut voir quelques préméditations dans l'attitude du jeune consul, à qui l'héritière eût peut-être échappé s'il n'eût pas joué ce rôle de malade imaginaire en amour. Si c'était la vérité, les femmes la trouvèrent trop dégradante pour y croire. La fille de Pedrotti fit de son amour une consolation. Elle berça ses douleurs inconnues dans un lit de tendresse et de caresses italiennes. Il signor Pedrotti n'eut pas d'ailleurs à se plaindre du choix auquel il était contraint par sa fille bien-aimée. Des protecteurs puissants veillaient de Paris sur la fortune du jeune diplomate. Selon la promesse de l'ambassadeur au beau-père, le consul général fut créé baron et fait commandeur de la Légion d'honneur. Enfin, il signor Pedrotti fut nommé comte par le roi de Sardaigne. La dot fut d'1 million. Quant à la fortune de la casa Pedrotti, évaluée à 2 millions gagnés dans le commerce des blés, elle échut aux mariés 6 mois après leur union, car le premier et le dernier des comtes Pedrotti mourut en janvier 1831. Onorina Pedrotti est une de ces belles génoises, les plus magnifiques créatures de l'Italie, quand elles sont belles. Pour le tombeau de Julien, Michel-Ange prit ses modèles à Gênes. De là vient cette amplitude, cette curieuse disposition du sein dans les figures du jour et de la nuit, que tant de critiques trouvent exagérées, mais qui sont particulières aux femmes de la Ligurie. À Gênes, la beauté n'existe plus aujourd'hui que sous le mezzaro. Comme à Venise, elle ne se rencontre que sous les fazioli. Ce phénomène s'observe chez toutes les nations ruinées. Le type noble ne s'y trouve plus que dans le peuple. Comme, après l'incendie des villes, les médailles se cachent dans les cendres. Mais déjà, toute exception sous le rapport de la fortune, Onorina est encore une exception, comme beauté patricienne. Rappelez-vous donc la nuit que Michel-Ange a clouée sous le penseur. Affublée là du vêtement moderne, tordait ses beaux cheveux si longs autour de cette magnifique tête un peu brune de ton. Mettez une paillette de feu dans ses yeux rêveurs, entortillez cette puissante poitrine dans une écharpe. Voyez la longue robe blanche brodée de fleurs. Supposez que la statue redressée s'est assise et s'est croisée les bras, semblables à ceux de Mademoiselle Georges. Et vous aurez sous les yeux la consulesse avec un enfant de 6 ans, beau comme le désir d'une mère, et une petite fille de 4 ans sur les genoux, belle comme un type d'enfant laborieusement cherché par David le sculpteur pour l'ornement d'une tombe. Ce beau ménage fut l'objet de l'attention secrète de Camille. Mademoiselle Destouches trouvait au consul un air un peu trop distrait chez un homme parfaitement heureux. Quoique pendant cette journée, la femme et le mari lui eussent offert le spectacle admirable du bonheur le plus entier, Camille se demandait pourquoi l'un des hommes les plus distingués qu'elle eût rencontrés et qu'elle avait vus dans les salons à Paris restait consul général à Gênes, quand il possédait une fortune de 100 et quelques 1000 francs de rente. Mais elle avait aussi reconnu, par beaucoup de ces riens que les femmes ramassent avec l'intelligence du sage arabe dans Zadig, l'affection la plus fidèle chez le mari. Certes, ces deux beaux êtres s'aimeraient sans mécompte jusqu'à la fin de leur jour. Camille se disait donc tour à tour « Qu'y a-t-il ? Il n'y a rien !» Selon les apparences trompeuses du maintien chez le consul général, qui, disons-le, possédait le calme absolu des Anglais, des sauvages, des orientaux et des diplomates consommés. En parlant littérature, on parla de l'éternel fond de boutique de la République des Lettres, la faute de la femme. Et l'on se trouva bientôt en présence de deux opinions. Qui, de la femme ou de l'homme, avait tort dans la faute de la femme? Les trois femmes présentes, l'ambassadrice, la consulesse et Mademoiselle Destouches, ces femmes sensées, naturellement irréprochables, furent impitoyables pour les femmes. Les hommes essayèrent de prouver à ces trois belles fleurs du sexe qu'il pouvait rester des vertus à une femme après sa faute. Combien de temps allons-nous jouer ainsi à cache-cache? Dit Léon de Lora. Caravita, ma chère vie, allez coucher vos enfants et envoyez-moi par Gina le petit portefeuille noir qui est sur mon meuble de boule, dit le consul à sa femme. La consulesse se leva sans faire une observation, ce qui prouve qu'elle aimait bien son mari, car elle connaissait assez de français déjà pour savoir que son mari la renvoyait. Je vais vous raconter une histoire dans laquelle je joue un rôle et après laquelle nous pourrons discuter, car il me paraît puéril de promener le scalpel sur un mort imaginaire. Pour disséquer, prenez d'abord un cadavre. Tout le monde se posa pour écouter avec d'autant plus de complaisance que chacun avait assez parlé. La conversation allait languir, et ce moment est l'occasion que doivent choisir les conteurs. Voici donc ce que raconta le consul général. À 22 ans, une fois reçu docteur en droit, mon vieil oncle, l'abbé Loro, âgé alors de 72 ans, sentit la nécessité de me donner un protecteur et de me lancer dans une carrière quelconque. Cet excellent homme, et si toutefois ce ne fut pas un saint, regardait chaque nouvelle année comme un nouveau don de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire combien il était facile au confesseur d'une altesse royale de placer un jeune homme élevé par lui, l'unique enfant de sa sœur. Un jour donc, vers la fin de l'année 1824, ce vénérable vieillard, depuis 5 ans curé des Blancs-Manteaux à Paris, monta dans la chambre que j'occupais à son presbytère et me dit « Fais ta toilette, mon enfant, je vais te présenter à la personne qui te prend chez elle qualité de secrétaire. Si je ne me trompe, cette personne pourra me remplacer dans le cas où Dieu m'appellerait à lui. J'aurai dit ma messe à 9 heures. Tu as 3 quarts d'heure à toi. Sois prêt. Ah, mon oncle, dois-je donc dire adieu à cette chambre où je suis si heureux depuis 4 ans ? Je n'ai pas de fortune à te léguer, me répondit-il. Ne me laissez-vous pas la protection de votre nom, le souvenir de vos œuvres et... Ne parlons pas de cet héritage-là, dit-il en souriant. Tu ne connais pas encore assez le monde pour savoir qu'il acquitterait difficilement un legs de cette nature. Tandis qu'en te menant ce matin chez monsieur le comte... Permettez-moi, dit le consul, de vous désigner mon protecteur sous son nom de baptême seulement, et de l'appeler le comte Octave. Tandis qu'en te menant chez monsieur le comte Octave, je crois te donner une protection qui, si tu plais à ce vertueux homme d'État, comme je n'en doute pas, équivaudra certes à la fortune que je t'aurais amassée, si la ruine de mon beau-frère et la mort de ma sœur ne m'avaient surpris comme un coup de foudre par un jour serein. Êtes-vous le confesseur de monsieur le comte ? Et si je l'étais, pourrais-je t'y placer ? Quel est le prêtre capable de profiter des secrets dont la connaissance lui vient au tribunal de la pénitence ? Non, tu dois cette protection à sa grandeur le garde des sceaux. Mon cher Maurice, tu seras là comme chez un père. Monsieur le comte te donne 2 400 francs d'appointements fixes, un logement dans son hôtel et une indemnité de 1 200 francs pour ta nourriture. Il ne t'admettra pas à sa table et ne veut pas te faire servir à part, afin de ne point te livrer à des soins subalternes. Je n'ai pas accepté l'offre qu'on m'a faite avant d'avoir acquis la certitude que le secrétaire du comte Octave ne sera jamais un premier domestique. Tu seras accablé de travaux, car le comte est un grand travailleur. Mais tu sortiras de chez lui, capable de remplir les plus hautes places. Je n'ai pas besoin de te recommander la discrétion, la première vertu des hommes qui se destinent à des fonctions publiques. Jugez quelle fut ma curiosité ! Le comte Octave occupait alors l'une des plus hautes places de la magistrature. Il possédait la confiance de madame la dauphine, qui venait de le faire nommer ministre d'État. Il menait une existence à peu près semblable à celle du comte de Sérisy, que vous connaissez, je crois, tous. Mais plus obscur, car il demeurait au Marais, rue Payenne, et ne recevait presque jamais. Sa vie privée échappait au contrôle du public par une modestie cénobitique et par un travail inconnu. Laissez-moi vous peindre en peu de mots ma situation. Après avoir trouvé dans le grave proviseur du collège Saint-Louis un tuteur à qui mon oncle avait délégué ses pouvoirs, j'avais fini mes classes à 18 ans. J'étais sorti de ce collège aussi pur qu'un séminariste plein de foi sort de Saint-Sulpice. À son lit de mort, ma mère avait obtenu de mon oncle que je ne serais pas prêtre. Mais j'étais aussi pieux que si j'avais dû entrer dans les ordres. Au déjeuner du collège, pour employer un vieux mot très pittoresque, l'abbé Loraux me prit dans sa cure et me fit faire mon droit. Pendant les 4 années d'études, voulues pour prendre tous les grades, je travaillais beaucoup, et surtout en dehors des champs arides de la jurisprudence. Sevré de littérature au collège, où je demeurais chez le proviseur, j'avais une soif à étancher. Dès que j'eus lu quelques-uns des chefs-d'œuvre modernes, les œuvres de tous les siècles précédents y passèrent. Je devins fou du théâtre. J'y allais tous les jours pendant longtemps, quoique mon oncle ne me donnât que 100 francs par mois. Cette parcimonie, à laquelle sa tendresse pour les pauvres réduisait ce bon vieillard, eut pour effet de contenir les appétits du jeune homme en de justes bornes. Au moment d'entrer chez le comte Octave, je n'étais pas un innocent, mais je regardais comme autant de crimes mes rares escapades. Mon oncle était si vraiment angélique, je craignais tant de le chagriner que jamais je n'avais passé de nuit dehors durant ces 4 années. Ce bon homme attendait pour se coucher que je fusse rentré. Cette sollicitude maternelle avait plus de puissance pour me retenir que tous les sermons et les reproches dont on émaille la vie des jeunes gens dans les familles puritaines. Étranger aux différents mondes qui composent la société parisienne, je ne savais des femmes comme il faut et des bourgeoises que ce que j'en voyais en me promenant, ou dans les loges, au théâtre, et encore à la distance du parterre où j'étais. Si, dans ce temps, on m'eût dit « Vous allez voir Canalis ou Camille Maupin », j'aurais eu des brasiers dans la tête et dans les entrailles. Les gens célèbres étaient pour moi comme des dieux qui ne parlaient pas, ne marchaient pas, ne mangeaient pas comme les autres hommes. Combien de contes des mille et une nuits tient-il dans une adolescence? Combien de lampes merveilleuses faut-il avoir maniées avant de reconnaître que la vraie lampe merveilleuse est ou le hasard, ou le travail, ou le génie? Pour quelques hommes, ce rêve fait par l'esprit éveillé dure peu. Le mien dure encore. Dans ce temps, je m'endormais toujours grand-duc de Toscane, millionnaire, aimé par une princesse, ou célèbre. Ainsi, entrer chez le comte Octave, avoir 100 louis à moi par an, ce fut entrer dans la vie indépendante. J'entrevis quelques chances de pénétrer dans la société, d'y chercher ce que mon cœur désirait le plus, une protectrice qui me tira de la voie dangereuse où s'engagent nécessairement à Paris les jeunes gens de 22 ans, quelque sages et bien élevés qu'ils soient. Je commençais à me craindre moi-même. L'étude obstinée du droit des gens dans laquelle je m'étais plongée ne suffisait pas toujours à réprimer de cruelles fantaisies. Oui, parfois je m'abandonnais en pensée à la vie du théâtre. Je croyais pouvoir être un grand acteur. Je rêvais des triomphes et des amours sans fin, ignorant les déceptions cachées derrière le rideau, comme partout ailleurs, car toute scène a ses coulisses. Je suis quelquefois sortie, le cœur bouillant, emmené par le désir de faire une battue dans Paris, de m'y attacher à une belle femme que je rencontrerai, de la suivre jusqu'à sa porte, de l'espionner, de lui écrire, de me confier à elle tout entier et de la vaincre à force d'amour. Mon pauvre oncle, ce cœur dévoré de charité, cet enfant de 70 ans, intelligent comme Dieu, naïf comme un homme de génie, devinait sans doute les tumultes de mon âme, car jamais il ne faillit à me dire « Va, Maurice, tu es un pauvre aussi, voici 20 francs, amuse-toi, tu n'es pas prêtre !» Quand il sentait la corde par laquelle il me tenait, trop tendue et près de se rompre. Si vous aviez pu voir le feu follet qui dorait alors ses yeux gris, le sourire qui dénouait ses aimables lèvres en les tirant vers les coins de sa bouche, enfin l'adorable expression de ce visage auguste dont la laideur primitive était rectifiée par un esprit apostolique, vous comprendriez le sentiment qui me faisait, pour toute réponse, embrasser le curé des Blancs-Manteaux, comme si c'eût été ma mère. « Tu n'auras pas un maître, » me dit mon oncle en allant rue Payenne. « Tu auras un ami dans le comte Octave. » Mais il est défiant, ou, pour parler plus correctement, il est prudent. L'amitié de cet homme d'État ne doit s'acquérir qu'avec le temps, car malgré sa perspicacité profonde et son habitude de juger les hommes, il a été trompé par celui à qui tu succèdes. Il a failli devenir victime d'un abus de confiance. C'est en dire assez sur la conduite à tenir chez lui. En frappant à l'immense grande porte d'un hôtel aussi vaste que l'hôtel Carnavalet, et si entre cour et jardin, le coup retentit comme dans une solitude. Pendant que mon oncle demandait le compte à un vieux Suisse en livrée, je jetai un de ces regards qui voient tout sur la cour, où les pavés disparaissaient entre les herbes, sur les murs noirs qui offraient de petits jardins au-dessus de toutes les décorations d'une charmante architecture, et sur des toits élevés comme ceux des Tuileries. Les balustres des galeries supérieures étaient rongés. Par une magnifique arcade, j'aperçus une seconde cour latérale où se trouvaient les communs dont les portes se pourrissaient. Un vieux cocher y nettoyait une vieille voiture. À l'air nonchalant de ce domestique, il était facile de présumer que les somptueuses écuries où tant de chevaux hennissaient autrefois en logeaient tout au plus deux. La superbe façade de la cour me sembla morne, comme celle d'un hôtel appartenant à l'État ou à la couronne, et abandonnée à quelque service public. Un coup de cloche retentit, pendant que nous allions, mon oncle et moi, de la loge du Suisse, il y avait encore écrit au-dessus de la porte « Parlez aux Suisses », vers le perron d'où sortit un valet dont la livrée ressemblait à celle des Labranche du Théâtre Français dans le vieux répertoire. Une visite était si rare que le domestique achevait d'endosser sa casaque en ouvrant une porte vitrée en petits carreaux, de chaque côté de laquelle la fumée de deux réverbères avait dessiné des étoiles sur la muraille. Un péristyle d'une magnificence digne de Versailles laissait voir un de ces escaliers comme il ne s'en construira plus en France et qui tiennent la place d'une maison moderne. En montant des marches en pierre, froides comme des tombes, et sur lesquelles 8 personnes devaient marcher de front, nos pas retentissaient sous des voûtes sonores. On pouvait se croire dans une cathédrale. Les rampes amusaient le regard par les miracles de cette orfèvrerie de serrurier, où se déroulaient les fantaisies de quelque artiste du règne de Henri III. Saisis par un manteau de glace qui nous tomba sur les épaules, nous traversâmes des antichambres, des salons en enfilade, parquetés, sans tapis, meublés de ces vieilleries superbes qui, de là, retombent chez les marchands de curiosités. Enfin, nous arrivâmes à un grand cabinet situé dans un pavillon en équerre dont toutes les croisées donnaient sur un vaste jardin. « Monsieur le curé des Blancs-Manteaux et son neveu, monsieur de l'Hostal, dit le Labranche, aux soins de qui le valet de théâtre nous avait remis à la première antichambre.